العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous adressons les louanges à Allah et nous lui demandons de couvrir d'éloges et de saluer son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. On as'alou Allah tabaraka wa ta'ala أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous placer parmi ceux auxquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion lorsqu'il a dit: et il n'est pas un groupe de gens qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah afin d'y réciter le livre d'Allah et de l'étudier entre eux sans que la quiétude ne descende sur eux, et que la miséricorde ne les englobe, et que les anges ne les entourent, et qu'Allah ne fasse mention d'eux auprès de ceux qui sont auprès de lui. وَقَدْ أَعْلَنَّا الْبَارِحَ عَنْ مَوْضُوعِ هَذِهِ الْكُلَيْمَاتِ وقلنا بأننا سنحاول أن نتدارس شيئا مما تضمنته أعظم سورة في القرآن، ألا وهي سورة الفاتحة. فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه كان في المسجد يصلي إذ ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار أبو سعيد رضي الله عنه أن يكمل صلاته ثم أن يستجيب لهذا النداء، فأكملها ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فتوجه إلى الخارج، فلما قرب منه قال أبو سعيد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألم تقل لي إنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يشير بذلك إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فتبين لنا من خلال هذا الحديث أن أعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتاب On avait annoncé hier que le sujet de cette modeste assise porterait sur la plus éminente des sourates du Coran, qui n'est autre que la sourate de la Fatiha. Il est rapporté dans un hadith authentique d'après Abu Sa'id ibn al-Mu'alla que ce dernier, qu'Allah l'agré, était dans la mosquée en train de prier lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela. Abu Sa'id radiyallahu an a choisi d'achever sa prière puis de répondre à cet appel. Et alors qu'il avait terminé de prier, il se dirigea vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en présentant ses excuses et en disant qu'il était en train de prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors: n'as-tu pas entendu la parole d'Allah? Ô vous qui avez la foi, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle vers ce qui vous fait vivre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Sa'id: je vais certes t'enseigner la plus éminente sourate du Qur'an avant que tu ne sois sorti de la mosquée. Et alors qu'ils étaient en train de se diriger ensemble vers la sortie, Abu Sa'id radiyallahu anhu, qu'Allah l'agré, a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: ne m'as-tu pas dit que tu allais m'enseigner la plus éminente sourate du Qur'an avant que nous ne sortions de la mosquée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire alors: alhamdulillahi rabbil alamin, en faisant référence au premier verset de la sourate al-Fatiha, qui signifie dans sa traduction, ou dans la traduction approximative de son sens, louange à Allah, le Seigneur souverain des mondes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alhamdulillahi rabbil alamin. Ce sont là les sept répétés et le Coran glorieux qui m'a été attribué, en faisant référence à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate al-Hijr, dans laquelle il dit: et nous t'avons certes attribué les sept répétés ainsi que le Coran glorieux. On se rend compte donc à travers ce hadith que la plus éminente sourate du Coran, c'est la sourate de la Fatiha, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a fait référence ici en citant le premier verset « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » les louanges de son temps Allah, le Seigneur souverain des mondes. فهي فاتحة الكتاب ولها أسماء عديدة مما يدل على عظم شأنها. فهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني كما سمعتم، وهي القرآن العظيم كما مر على مسامعكم أيضا، وهي الشافية والكافية والرقية و الأساس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إلى آخر ما هنالك من الأسماء التي ثبتت لهذه السورة العظيمة. مما تقدم معنا أنها سبع المثاني، لأنها سبع آيات تتكرر في كل صلاة في كل يوم وليلة، وهي القرآن العظيم. ولعل سائلا يسأل ويقول: كيف تسمى هذه السورة بالقرآن العظيم مع أنها سورة من سور القرآن؟ عليكم السلام ورحمة الله. الجواب أن هذه السورة العظيمة اشتملت على جميع معاني القرآن ومقاصده، وذلك على وجه الإجمال. وفي هذا إشارة إلى أمر مهم يتعلق منهجية الدراسة العلوم الشرعية، فإنه ينبغي أن يبدأ الطالب بدراسة العلوم على وجه الإجمال أولا، ثم شيئا فشيئا يفصل ويتطرق لتفاصيل هذه الأمور التي أخذها ابتداء على وجه الإجمال، فيتدرج شيئا فشيئا في العلوم، ويبدأ بالأهم ثم ينطلق إلى المهم وهكذا. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، فيتدرج في طلبه للعلم، فيبدأ بطلبه على وجه الإجمال ويتعرف على مقاصد العلوم، ثم شيئا فشيئا يتدرج ويفصل في ذلك. فكما أن سورة الفاتحة تتضمن معاني القرآن على وجه الإجمال، فإن بقية السور تعتبر تفسيرا وتفصيلا لما أجمل في هذه السورة العظيمة. Donc on a pu voir que la sourate de la Fatiha, elle a certains noms qui lui ont été donnés dans les textes du Coran et de la Sunna. De même que nous pouvons trouver que certains noms lui ont été donnés par les pieux prédécesseurs de cette communauté. Parmi les noms que nous avons vus, il y a les sept répétés. Il y a également le Coran glorieux. Elle est également appelée celle qui guérit. Elle est également appelée la suffisante. Elle est également appelée la lecture incantatrice. Elle est également appelée, comme cela a été rapporté d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agré ainsi que son père, le socle, c'est-à-dire la base fondamentale. Et ainsi de suite parmi les nombreux noms qui lui ont été attribués, ce qui prouve qu'elle occupe une grande place dans la religion. On a donc dit qu'elle est appelée les sept répétés. Et ce, du fait que sa récitation est répétée dans chaque prière de jour comme de nuit. Et nous allons y revenir, Inch'Allah. Et nous avons également vu qu'elle est appelée le Coran glorieux. Une question pourrait être posée, à savoir, comment se fait-il qu'elle soit appelée le Coran glorieux, alors qu'au final, elle ne constitue qu'une sourate parmi les sourates de ce glorieux Coran. La réponse, c'est qu'elle a été appelée de la sorte du fait qu'elle contient l'essence du Coran, l'ensemble des sens contenus dans le Coran et l'ensemble de ses finalités, et ce de manière globale. Donc dis-toi que dans la sourate de la Fatiha, la première des sourates du Coran, lorsque tu ouvres le Coran, tu trouves l'ensemble des sens contenus dans le Coran, et ce de manière globale. De même que dans le restant des sourates, tu vas trouver de manière détaillée et développée ce que tu avais trouvé au préalable dans la sourate de la Fatiha de manière globale. Et cela nous indique quelque chose d'important dans la manière d'aborder l'apprentissage de la science. C'est qu'il est impératif de commencer l'apprentissage en abordant les sciences de manière globale et ainsi de suite. C'est-à-dire que tu commences de manière globale, tu prends connaissance de ces sciences-là et de ces finalités, et petit à petit, tu évolues et tu développes. Et tu vas rentrer petit à petit dans les détails. Et cela nous indique également l'impérativité du fait d'avancer dans l'apprentissage de manière graduelle. sans sauter les étapes. Comme il a été dit, aujourd'hui un peu de science et demain encore un peu. Parmi les perles de science que l'on peut récolter, par lesquelles l'individu acquiert une certaine sagesse et au final, le torrent n'est qu'un ensemble de petites gouttes. C'est une image qui est donnée ici pour montrer que la science que tu souhaites acquérir, au final ça va être un ensemble d'enseignements que tu devras acquérir au fil des jours et des nuits, de la même manière que le torrent n'est au final qu'un ensemble de petites gouttes. Donc, il faut savoir avancer de manière graduelle et également savoir par quoi commencer et ainsi de suite. Sourate al-Fatiha هي السبع المثاني كما سمعتم لأنها سبع آيات تتكرر قراءتها في كل يوم وليلة في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة فسورة الفاتحة سبع آيات باتفاق أهل العلم هي سبع آيات وبعد هذا الاتفاق اختلفوا في عد هذه الآيات فمنهم من جعل البسملة أولى هذه الآيات وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومنهم وهم الجمهور من اعتبر الحمد لله رب العالمين أولى هذه الآيات ومما يرجح ما ذهب إليه الجمهور أدلة عديدة منها ما صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فنلاحظ في هذا الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى بدأ هنا بالحمد لله رب العالمين وهذا الحديث دليل من الأدلة التي يرجح بها ما ذهب إليه الجمهور من أن أولى آيات سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين ولعلنا سنمشي على هذا فنبدأ بالحمد لله رب العالمين. On a vu que parmi les noms de la sourate de la Fatiha, il y a As-Sab'ul Mathani, les sept répétés. Les sept répétés dans le sens où la sourate de la Fatiha, elle comporte sept versets qui sont dans la récitation se répètent chaque jour et chaque nuit, dans chaque prière, que cette prière soit obligatoire ou qu'elle soit supplémentaire. La sourate de la Fatiha comporte donc 7 versets. Et cela est l'objet de l'unanimité des ulama. Ils sont tous d'accord sur le fait que la sourate de la Fatiha, elle contient 7 versets. Ni 6, ni 8, ni plus, ni moins, mais bel et bien 7 versets. Après avoir été d'accord sur cela, ils ont divergé, qu'Allah leur fasse miséricorde, à propos d'un point, à savoir la détermination de ces 7 versets. C'est ainsi que parmi eux, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, entre autres, a avancé le fait que le premier des versets de la sourate de la Fatiha, c'est ce que l'on appelle la basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim. Et parmi eux, on compte notamment les 3 autres imams, Abu Hanifa, Malik et Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah leur fasse miséricorde. Il en est qui ont avancé que la première ou le premier des versets de la sourate de la Fatiha, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'ailleurs, au passage, c'est ce qui explique que dans certains exemplaires que l'on a à disposition, vous trouvez que la basmala est mentionnée en premier verset et que dans d'autres, vous trouvez que c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et parmi les preuves qui appuient pourquoi a opté la majorité des ulama, à savoir que la première des sourates ou la première des versets c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il y a le hadith authentique qui a été rapporté d'Abu Huraira, d'après qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce qu'il rapporte de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, j'ai diviser la prière en deux, entre moi et mon serviteur. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam rapporte de lui, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Au passage, on se rend compte que parmi les noms de la sourate de la Fatiha, il y a également As-Salah, la prière. Suite à cela, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est ainsi que lorsque, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, c'est ainsi que lorsque le serviteur lit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur souverain des mondes, Allah a dit, mon serviteur m'a adressé les louanges. Et lorsque le serviteur lit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah a dit, mon serviteur a fait mes éloges. Et lorsque le serviteur lit Malik Yawm al-Din, le maître souverain du jour de la rétribution, Allah a dit, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque le serviteur lit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. Et lorsque le serviteur lit, guide-nous, ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim, walad-dallin, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non pas celui de ceux qui ont encouru la colère, ni celui des égarés, Allah dit, cela est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. On se rend compte dans ce hadith qu'Allah tabaraka wa ta'ala a débuté la mention de ces versets par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ce qui fait partie des preuves qui appuient que c'est bel et bien le premier verset de la sourate de la Fatiha. Et c'est pour cela que l'on va se baser sur cela et qu'on va donc commencer dans cette brève et modeste explication par Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamd, ma'ashar al-ahibba, huwa wasful mahmoudi bil kamal, ma'al mahabbati wa ta'zim. وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم الحمد لله الله قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روي عنه هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين الحمد لله رب العالمين فالله تبارك وتعالى هو رب العالمين فهو الرب ومن صفاته الربوبية والربوبية تقوم على ثلاثة أركان الخلق والرزق والتدبير الخلق والرزق والتدبير وبعضهم يقول الرزق نعم الرزق يصح هذا الضبط يعني في مقام آخر أما الصفة الثابتة لله تبارك وتعالى فهي صفة الرزق وأما الرزق فهذا مما يشير إلى أفراده نعم أما الصفة فهي صفة الرزق الخلق والرزق والتدبير هذه أركان الأركان التي تقوم عليها الربوبية الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لشؤون خلقه أجمعين وهو المحيي المميت إلى آخر ما هنالك من أفراد الربوبية وهو رب العالمين والعالمون جمع عالم وهو كل ما سوى الله والله تبارك وتعالى هو رب العالمين فهو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي يدبر شؤونهم الحمد لله رب العالمين نصف الله تبارك وتعالى ذا الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين رب العالمين خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم أجمعين بالكمال مع المحبة والتعظيم فعليك أن تدرك هذا الأمر إذا ما قلت الحمد لله أو قرأت قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين استشعر بأنك تصف الله تبارك وتعالى رب العالمين بالكمال مع المحبة والتعظيم وسنعود إن شاء الله إلى قضية المحبة فيما بعد بإذن الله ويبقى معك أنه يوجد في هذه الآية الأولى من آيات سورة الفاتحة إثبات محبتك لله تبارك وتعالى فإنك إذا ما قمت بهذا بحمد الله تبارك وتعالى فإن هذا يتضمن أنك تصفه جل في علا بالكمال مع المحبة والتعظيم. Donc on a dit que le premier des versets, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les louanges sont à Allah, le Seigneur souverain des mondes. Le terme Alhamd, que l'on traduit approximativement par les louanges, ça revient à décrire celui à qui tu adresses les louanges en lui attribuant la perfection, et cela par amour et affirmation de son immensité. Les louanges sont à Allah. Allah, comme cela a été rapporté d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, c'est celui qui détient le droit exclusif d'être adoré et d'être divinisé par l'ensemble de ses créatures. Allah tabaraka wa ta'ala, il est Rabbul Alamin, le Seigneur souverain des mondes. Ar-Rabb, c'est le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ça contient l'attribut de Ar-Rububiyya, ce que l'on traduit par la seigneurie. Et il faut savoir que cet attribut de l'Ar-Rububiyya, que l'on traduit approximativement par la seigneurie, ça contient trois sens fondamentaux. Ça contient premièrement la création. Deuxièmement, le fait de pourvoir en subsistance. Et troisièmement, le fait de diriger. Dans le sens où Allah tabaraka wa ta'ala, il est le Seigneur souverain des mondes, du fait que c'est lui seul qui les a créés, que c'est lui seul qui les pourvoit en subsistance, et que c'est lui seul qui dirige l'ensemble de leurs affaires. Il est donc Rabbul Alamin, le Seigneur souverain des mondes. Les mondes, ça renvoie donc à Al-Alamin, et Al-Alamin, c'est le pluriel de Alam, qui correspondrait donc à un monde. Et ce que l'on vise ici par Al-Alam, c'est tout ce qui est autre qu'Allah. Tout ce qui est autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala est donc créé. Et Allah tabaraka wa ta'ala en est le Seigneur souverain, dans le sens où c'est lui qui le crée, que c'est lui qui pourvoit en subsistance et que c'est lui qui dirige l'ensemble de ses affaires. Donc rends-toi compte, barakallahu fik, de ce qui vient d'être mentionné. Lorsque tu dis Alhamdulillah, ce qui est quelque chose d'assez courant, lorsque tu récites, à titre d'exemple, ce verset Alhamdulillah Rabbil Alamin, rends-toi compte que tu es en train de décrire Allah, celui qui détient le droit exclusif d'être adoré et d'être divinisé par l'ensemble de ses créatures, celui qui est le Seigneur souverain de l'ensemble de ses créatures, dans le sens où c'est lui qui les crée, que c'est lui qui les pourvoit en subsistance et que c'est lui qui les dirige, en lui attribuant donc ici la perfection, et tout cela en étant animé d'un sentiment d'amour et en affirmant son immensité, subhanahu wa ta'ala. Et ce principe d'amour, on va avoir l'occasion d'y revenir un peu plus tard si Allah le veut. Mais garde dès à présent à l'esprit que lorsque tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, que tu récites ce verset-là, tu es en train d'affirmer l'amour que tu éprouves pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, ismani min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. فمن خلال هاتين الآيتين تعرفنا على أربعة أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. الاسم الأول الله، حفظكم الله، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والثاني الرب، وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة من صفاته جل في علاه، فكما مر معنا الله هذا الاسم يتضمن صفة الألوهية، الرب يتضمن صفة الربوبية، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمنان صفة الرحمة. وصفات الله تبارك وتعالى قد تكون صفات الذات أو صفات فعل، صفات الذات باعتبار أنها لا تنفك عن الذات، وصفات فعل باعتبار أنها متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فمتى شاء فعل عز وجل. وصفة الرحمة صفة ذاتية وفعلية، فالله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفة، كما أن آثار هذه الصفة متعلقة بمشيئته عز وجل. والاسم الأول الرحمن يتضمن صفة الرحمة باعتبار أنها صفة ذاتية، وأما الاسم الثاني الرحيم يتضمن صفة الرحمة باعتبار أنها صفة فعلية. فالله تبارك وتعالى هو ذو الرحمة الواسعة والواصلة، فهو الرحمن الرحيم تبارك وتعالى. Le deuxième des versets de cette sourate, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, que l'on traduit de manière approximative par le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À travers les deux premiers versets de cette sourate, on prend donc connaissance de quatre noms parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le premier de ces noms-là, c'est Allah. Le second, c'est Ar-Rabb. Le troisième, c'est Ar-Rahman. Et le quatrième, c'est Ar-Rahim. Sachant que chaque nom parmi les noms d'Allah contient un attribut parmi ses attributs. C'est ainsi que le nom Allah contient l'attribut de Al-Uluhiyya, qui signifie le droit exclusif qu'Allah détient d'être divinisé. Le nom Ar-Rabb, il contient l'attribut de Ar-Rububiyya. Le nom, donc, l'on traduit approximativement par le Seigneur souverain, il contient l'attribut de la Seigneurie. Et on a tenté brièvement d'expliquer à quoi cela correspond. Quant au nom Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, Ce sont deux noms parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala qui contiennent l'attribut de la rahma, de la miséricorde. Sachant que les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sont de deux sortes. Des attributs liés à l'être et des attributs liés aux actes. Ce que l'on appelle les attributs liés à l'être, ce sont des attributs qui sont inhérents à l'être, dans le sens où Allah tabaraka wa ta'ala a toujours été, a toujours eu ces attributs-là. Et quand on parle d'attributs d'actes, ça fait référence au fait que les effets de ces attributs-là dépendent de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut savoir que l'attribut de la rahma, de la miséricorde, c'est un attribut qui est un attribut inhérent à l'être d'Allah tabaraka wa ta'ala, d'une part, et dont les effets, d'autre part, sont liés à sa volonté subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il fait miséricorde à qui il veut, azza wa jal, et quand il le veut. Revenons donc au nom Ar-Rahman Ar-Rahim. Le nom Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ça fait référence à l'attribut de la miséricorde Ar-Rahman en tant qu'attribut inhérent à l'être d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens où Allah tabaraka wa ta'ala a toujours eu cet attribut-là, l'attribut de la miséricorde. Cette miséricorde qui est large et vaste. Quant au nom Ar-Rahim, ça fait référence à l'attribut de la rahma, de la miséricorde, en tant qu'attribut dont les effets sont liés à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Cette volonté dont les effets parviennent à ses serviteurs, à qui il veut parmi ses serviteurs, quand il le veut, subhanahu wa ta'ala. Retiens de tout cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est celui qui se caractérise par l'attribut de la miséricorde qui est vaste, d'une part, et qui, d'autre part, parvient à qui il veut parmi ses serviteurs. Malik Yawm al-Din. Allah tabaraka wa ta'ala huwa Malik Yawm al-Din. ذكر الله تبارك وتعالى يوم الدين في هذه الآية وتقدم معنا أن هذه السورة تتضمن معاني القرآن على وجه الإجمال كما أن بقية السور تعتبر تفسيرا لما أجمل في هذه السورة. الله تبارك وتعالى قال في آيات أخرى عن يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله فيوم الدين هو يوم الجزاء يوم الحساب والله تبارك وتعالى مالكه عز وجل. ولعل سائلا يتساءل ويسأل ويقول أليس الله تبارك وتعالى هو مالك سائر الأيام؟ الجواب بلى، هو مالك يوم الدين ومالك سائر الأيام. فالسؤال إذن لماذا خص الله تبارك وتعالى هذا اليوم هنا في قوله مالك يوم الدين؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. ففي هذه الدنيا يؤتي الملك لمن يشاء، وهذا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. أما يوم الدين فيضمحل كل ما قد أوتي للخلق من ملك، حتى إن الله تبارك وتعالى يقول في هذا اليوم لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيتولى سبحانه وتعالى الجواب بنفسه ويقول لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فالله تبارك وتعالى هو مالك يوم الدين، يوم الجزاء ويوم الحساب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شر هذا اليوم. Le troisième des versets de cette noble sourate, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Malik yawm al-din, le maître souverain du jour de la rétribution. Parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a donc Al-Malik, et il est également Al-Malik Azza wa Jal, le maître souverain. Le maître souverain du jour de la rétribution. Allah tabaraka wa ta'ala, et nous l'avons vu précédemment, dans la sourate de la Fatiha, il fait mention de manière globale d'enseignements qui sont présents dans le restant des sourates de son noble livre de manière plus détaillée et développée. C'est ainsi qu'ici il a fait mention du jour de la rétribution. Et que dans un autre passage de son noble livre, il a fait mention de ce même jour-là, dans les mêmes termes, et de manière plus détaillée. C'est ainsi qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Puis qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre, et le jour où l'affaire tout entière appartiendra à Allah seul. C'est donc le jour dernier, le jour de la rétribution, le jour des comptes. Allah tabaraka wa ta'ala en est le Seigneur souverain. Le questionneur pourrait se poser la question, puis la poser, en disant, Allah tabaraka wa ta'ala n'est-il pas le Seigneur souverain de l'ensemble des autres jours? La réponse est que sans aucun doute, Allah tabaraka wa ta'ala, il est le Seigneur souverain du jour de la rétribution, et il est également le Seigneur souverain des autres jours. À ce moment-là, la question qui se pose est de savoir pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a spécifié ce jour-là lorsqu'il a dit le Seigneur souverain du jour de la rétribution. La réponse, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est celui qui détient la royauté absolue et qu'il donne des parts de royauté à qui il veut parmi ses serviteurs, de même que il l'enlève à qui il veut de ses serviteurs. Et ce, donc, dans ce bas monde, Allah tabaraka wa ta'ala, il attribue des parts de royaume à certaines de ses créatures, de par sa volonté. et sa sagesse et son savoir, subhanahu wa ta'ala. Par contre, ce jour-là, l'ensemble de ses parts de royaume disparaîtra. À tel point que Allah tabaraka wa ta'ala va dire: à qui revient la royauté aujourd'hui? Et personne ne répondra. Pour la simple et bonne raison que tout aura disparu sauf Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui va répondre à cette question qu'il avait lui-même posée au préalable en disant: à Allah, l'unique, le grand dominateur. Al-Wahid, Al-Qahhar. Donc ce jour-là, toutes ces parts de royaume disparaîtront. Et ne restera que au royaume d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sa royauté, subhanahu, sa royauté absolue, subhanahu wa ta'ala. فمن خلال هذه الآيات مررنا بأمور عظيمة، وأريد أن نقف قليلا مع أمر مهم جدا، وهو أن هذه الآيات الثلاثة الأولى من آيات هذه السورة العظيمة تتضمن أركان العبادة، وهذه الأركان هي المحبة والرجاء والخوف. تقدم معنا أن الآية الأولى تتضمن إثبات قضية المحبة، إنك تصف الله تبارك وتعالى بالكمال مع المحبة والتعظيم، كما أن الآية الثانية تتضمن إثبات الرجاء، إن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة الواسعة والواصلة، وبالتالي هو الذي يرجى عز وجل، كما أن الآية الثالثة وهي قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين تتضمن إثبات هذا الخوف، فالله تبارك وتعالى هو الذي يخاف منه. فتجد إذا ما تأملت هذه الآيات أركان العبادة: المحبة والرجاء والخوف. وأهل العلم يمثلون لهذا، لتقريب هذه المعاني، بمثال حسي، ويقولون بأن المحبة والرجاء والخوف هي للعبادة ما الرأس والجناحان هي للطير. فالمحبة هي الرأس، والرجاء والخوف هما الجناحان. تصور لو أصيب رأس الطير ماذا يصير؟ يسقط على طول، يعني يموت. كذلك إذا أصيب الجناحان أو أحدهما يضطرب ولعله يسقط فيضعف وربما يموت، فلا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة المحبة وهي رأس الأمر، وكذلك الرجاء والخوف. وقال أهل العلم بأن من تعبد لله تبارك وتعالى بالمحبة فقط فهو كيف هو؟ فهو زنديق. ومن تعبد بالرجاء فقط فهو مرجي. ومن تعبد بالخوف فقط فهو خارجي. فلا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة، فلا تكن زنديقا ولا تكن مرجئا ولا تكن مرجئا. كيف ما هي الأبيات لعل بعضكم يحفظونها؟ ولا تكن مرجئا لعبا بدينه، ألا إنما المرجئ بالدين يمزح. نسيت الأبيات المعروفة لابن أبي داود السجستاني، بعضكم ممكن يعني يحفظ. ما هي؟ على كل حال، نعم، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لما يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجئا لعبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. فعليك أن تجتنب هذه المذاهب الرذيلة، فلا تكن زنديقا تتعبد لله تبارك وتعالى بالمحبة فقط وتنسى وتهمل وتترك الرجاء والخوف. ولا تكن مرجئا ممن يعني يغلب جانب الرجاء، ولا تكن خارجيا يغلب جانب الخوف يعني مطلقا. فلا بد من أن تجمع هذه الأمور. وفي هذا التفصيل يعني لعلكم يعني ترجعون إليه في كلام أهل العلم. مثلا الشيخ محمد بن صالح العثيمين له تفصيل جميل في هذا الموضوع في غير ما كتاب من كتبه رحمه الله تعالى، فيفصل في الأمر ويقول بأنه في بعض الأحوال تغلب جانب المحبة على جانب الخوف، وفي أحوال أخرى تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، وكل هذا على حسب الحال. ولكن لا ينبغي أن ينعدم شيء من هذه الأركان. On a donc vu ici plusieurs points qui sont contenus dans ces trois versets. Et il faut savoir que ces trois versets, ils contiennent les piliers de l'adoration, ces piliers qui doivent être dans le cœur. Premièrement, comme nous l'avons vu, l'amour. Et vous vous rappelez certainement du fait que lorsque tu dis les louanges sont à Allah, lorsque tu adresses les louanges à Allah, ça signifie que tu le décris en lui attribuant la perfection, en éprouvant de l'amour pour lui. Et c'est là le premier des piliers de l'adoration, l'amour que tu éprouves pour Allah tabaraka wa ta'ala. Le deuxième des piliers, c'est l'espoir. Allah tabaraka wa ta'ala, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À partir de là, il est celui en qui on doit avoir espoir. Et troisièmement, il est le maître souverain du jour de la rétribution, avec tout ce que cela contient. Et à partir de là, nous devons avoir peur de lui. Et cela donc nous résume les trois piliers de l'adoration. Les trois piliers de l'adoration, à savoir l'amour, l'espoir et la peur. Et les ulama, ils expriment cela en donnant un exemple afin de simplifier la compréhension de ce point en disant que l'amour, l'espoir et la peur, ils sont pour l'adoration ce que la tête et les deux ailes sont pour l'oiseau. Imagine-toi un oiseau dont la tête serait touchée ou serait coupée. Il tomberait sur le champ et il mourrait. De même si une de ses deux ailes, ou les deux, venait à être prise pour cible. Alors à ce moment-là, il s'affaiblirait, et peut-être qu'il aurait du mal à voler, même certainement, et peut-être même qu'il tomberait et mourrait. Il en est de même pour l'adoration. Il faut impérativement que ces piliers-là soient présents, l'amour. Et c'est là la base de la chose. Et également la crainte et l'espoir. Et également les ulama disent que celui qui adore Allah avec uniquement l'amour, c'est un hérétique. Et ils disent que celui qui adore Allah uniquement par espoir, de manière absolue, en délaissant le côté de la peur, c'est un mourdi. Et celui qui adore Allah uniquement avec la peur, de manière absolue, en délaissant l'espoir, c'est un khariji. Donc toi, tu te dois de t'écarter de ces différentes voies et de réunir ces trois choses-là. Sachant qu'il y a un détail à apporter, que les ulama donc apportent, notamment à notre époque, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, et je vous invite à retourner vers ses écrits et ses explications à ce niveau-là. Il explique que dans certains cas, il est opportun de faire prévaloir l'espoir sur la peur. Et que dans d'autres situations, il faut faire prévaloir la peur sur l'espoir. Ce qui ne signifie pas que une de ces deux choses doit disparaître, non. Mais tu vas faire prévaloir l'un sur l'autre selon les situations. Mais dans tous les cas, ces trois choses-là doivent être présentes dans ton cœur. Tu te dois d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec amour, espoir et peur. Et ne sois donc pas hérétique en adorant Allah tabaraka wa ta'ala uniquement par amour. Et ne sois pas non plus mourdi en l'adorant uniquement avec espoir, ni khariji en l'adorant uniquement avec peur. Et comme le disait Ibn Abi Daoud, Sijistani rahimahullah, et n'apporte pas foi en la doctrine des Khawarij, car c'est là la doctrine de gens empêtrés dans leur passion qui cherchent à diffamer, et ne sont pas non plus un mourdi qui joue avec sa religion. Ne te rends donc pas compte que le mourdi ne fait que jouer, et tu te dois donc d'être sur cette voie de juste milieu représenté par la voix des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité, en adorant Allah tabaraka wa ta'ala donc avec amour, espoir et peur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste dans cela. On a passé l'heure. Déjà à la base, une fois qu'on a passé l'heure, ça devient difficile parfois de suivre. En plus de ça, c'est le matin. Donc je vous fais deux propositions. Soit on s'en tient à ça et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de nous réunir à un autre moment pour terminer. Soit on fait une petite pause et on retrouve nos esprits. Na'am. Et on continue. أسئلة لمن؟ لك. لا ما فيش أسئلة. ها؟ ويقول أني وقفة شوية وفسحة. تدريب؟ على الأحسن. الظهر؟ طيب نقف. وإن شاء الله on continuera à un autre moment bi'iznillah. On se donne rendez-vous après la prière de l'Asr pour le sujet qui a été annoncé hier. Et peut-être qu'on aura l'occasion de terminer ce sujet-là en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider. Et je vous remercie donc pour votre attention. Et à bientôt, Inch'Allah. Et na'am, également, soyez vigilants, barakallahu fikoum, et ne restez pas trop devant la mosquée. Essayez de vous disperser rapidement afin de ne pas gêner le voisinage et de ne pas attirer des problèmes. Barakallahu fikoum. Jazakumullahu khaira. Sachant que barakallahu fikoum, la question du voisinage est importante. Surtout pour nous, autres musulmans qui vivons dans ces terres non musulmanes. Naam, il faut savoir que nous nous devons d'être d'un comportement exemplaire. Naam, et qu'ils ont leurs droits, bien qu'ils ne soient pas musulmans, ils ont leurs droits, notamment le droit du voisinage et du bon voisinage. Barakallahu fikoum. Hafidhakum Allah. Salam alaykoum. Naam. Ils ont même plus de droits encore.